à la place du crâne, relique à la place du crâne, relique à la place du crâne, dans les poches quelques grains, relique à la place du crâne, relique à la place du crâne, relique à la place du crâne, dans les poches quelques grains, relique à la place du crâne, dans les poches quelques grains, je répands la coke, je suis distributeur comme Bagram, je suis trop fort, je viens de sortir mon CLS, je suis trop fort, je viens de kicker un CRS. Maman m'a taspé 100 balles. Viens pas m'embrasser si t'as su que c'est 100 balles. Les veines sont coupées, 45 jours au cul. T'es inculpé, inoccupé, bounce like, je vais me buter. Je hais Sarko donc il a niqué sa mère. Pareil qu'un nouveau membre dans le ministère à mer. 78 sur mon torse, on rêve de Porsche, on rêve de Fé. Ils veulent que je retourne au trou, qu'est-ce que j'ai fait? Disque de la merde. Je dors chez le voisin quand les keufs viennent toc-toquer. C'est dingue, les petits n'ont pas d'en veulent déjà qu'on les fasse croquer. Choqué, foqué, la tôle laisse des séquelles. Depuis quand les poulets veulent voler de leurs propres ailes. Quand je prends le micro, les banlieues se lèvent, lèvent. Les keufs te soulèvent, les rappeurs ont du sperme sur les lèvres. Lèvres. Suffit d'un SMS pour que ta tasse mouille. Je connais plus mon texte, je l'ai laissé dans ma fouille. Je cherche la merde, sans le cran, sans fou de lèvres. S'en va les deux coups, tout le monde s'appelle un doux. La merde, son cran s'en fout de l'air. Maman s'en va les coups, tout le monde s'appelle un doux. Les juges, les profs, non man, on connaît leur tchatch. Depuis tout jeune, on veut des bifs comme Al-Batch. Les juges, les profs, non man, on connaît leur tchatch. Depuis tout jeune, on veut du bif comme Al-Batch. Je plie dans les normes, J'd1 dans sa meilleure forme. Bon, le West patriotique, c'est bien plus puissant qu'une arme. On pousse sur le bitume, des dealers et killers. C'est gasoline sur Ségolène, le rouge sang est ma couleur. J'crache sur les incapables et sur les lois d'enfants de pute. Casse mâchoire dans les barrages et les rivaux préparent la chute. C'est pour nos détenus entretenus par le ghetto qui pourraient vivre de ta perte à part si t'as notre maillot. Le 7-8 anti-chochotte, ouais, mon son rapporte. Fais la queue, putain d'enfoiré et je le bourre ton port. Je suis crème de crème, anti-flemme, le blême c'est qu'écran, je crève. Masta le gamin assure, les faux, les gros se mettent en grève. J'apprends sur le tas, entêté, tatoué, turine, ralenti, montre que je suis trop talentueux. Je m'amène, amène ma touche faite pour ratatiner. C'est un plafond de Zidane qui mène à la réalité. Je cherche la merde, sans le cran, sans fou de l'air. Pas un fils de pute, je viens du 9-4 gros, la capitale des bracos. On devient pas millionnaire en taffant au McDo. Sarko, je connais ton fils, il est fasciné par mon ghetto. Il a même acheté mon tige. Depuis quand les caniches veulent clash et les pites? Ça y est, maintenant que j'ai signé, le rap français s'accroche à ma bite. J'ai encerclé Paris comme le périphérique. Appelle ta pute, elle décroche pas, elle est avec Kennedy. Tu veux savoir ce qui se dit maintenant dans tous les quartiers? Je suis l'un des négros les plus chauds du rap game. 2500 eux les sangers, tu connais le tarif. La coke est pure et elle t'éclate les narines. Quand je suis pas au TK, je suis à New York ou à Dakar. Je suis le bitume avec un flow de bâtard. Relique à la place du crâne, relique à la place du crâne.